radio des découvertes. What happened? Bonsoir et bienvenue à Web Musique. C'est Simon Roy qui est en votre compagnie. Petit changement d'horaire, l'émission de la saison précédente était à 21h30. Donc, pour l'été, je vais être à 20h. Puis, ça va être une petite émission écourtée, concentrée d'une heure de Web Musique. Qu'est-ce que c'est Web Musique? Ben, pour vous, je parcours Internet. Dans les moindres recoins d'Internet pour vous trouver de la bonne musique. La musique souvent qui est diffusée sous une licence Creative Commons. Qu'est-ce que c'est les licences Creative Commons? Ben, c'est comme un peu une alternative au copyright traditionnel. Ce qui est plate avec la musique de copyright traditionnel, c'est qu'il faut contacter les artistes pour demander la permission de diffuser et de s'en servir. Avec les licences Creative Commons, c'est une licence qui permet à l'artiste de dire « prenez ma musique, vous pouvez la diffuser ». Dans certains cas, vous pouvez remodifier ma musique, mais vous ne pouvez pas en profiter, par exemple. Vous ne pouvez pas l'utiliser de façon commerciale. Donc, c'est une très bonne façon de diffuser la musique. Je vous fais passer toutes sortes de musiques. J'ai des goûts assez éclectiques. Ça peut être presque du New Age au Death Metal. Donc, c'est assez varié comme contenu. J'ai du contenu aussi en copyleft, qui est en opposition directe au copyright, avec un nom comme ça, vous en doutez un peu. Puis aussi, je parcours un peu sur MySpace, des sites comme ça, des artistes qui aiment bien partager leur musique de façon gratuite. Puis si vous aimez, bien sûr, vous pouvez acheter les albums. Pour l'émission, je vous maintiens une petite playlist sur le blog de l'émission qui est au www.webmusique.org. Le web s'écrit O-U-E-B-E. Donc, sur le blog de l'émission, vous avez les liens vers les pièces que vous entendez. Et donc, vous pouvez télécharger gratuitement. De temps en temps aussi, je mets quelques vidéos puis quelques informations supplémentaires dont je ne parle pas nécessairement en ondes, mais je vous invite à venir faire un tour. Vous pouvez laisser des commentaires ou si vous avez des questions aussi, c'est une bonne place pour le faire. Donc, on va débuter l'émission avec une étiquette qui nous vient de la Russie qui s'appelle 66 Stuff. Une étiquette vraiment intéressante qui donne dans l'audio et dans le vidéo aussi. Puis un peu dans les arts visuels, côté pochette, puis un peu photo. Donc, c'est un peu de tout. Donc, une étiquette qui nous vient de la Russie. Vraiment intéressante. Ils ont beaucoup de matériel gratuit. Puis, je vous invite à venir faire un tour sur le site. C'est vraiment intéressant. On va débuter avec deux pièces qui sont sur l'album Past Perfect, un album compilation. On va entendre tout d'abord Zimmergy, la pièce Caravan, puis ça va être suivi de 8-Bit System, la pièce Ewa Dana. 8-Bit System, c'est un collectif assez intéressant qui se sert de vieux claviers puis de vieilles machines qui fonctionnent en 8-bit. Donc, souvent, ils programment leur machin, puis une fois que l'appareil est débranché, il faut tout recommencer la programmation. Donc, des fois, c'est des performances un peu improvisées, donc un groupe assez intéressant. Donc, on débute tout de suite avec Zimmergy, la pièce Caravan. We'll be right back. va, quand à moi ça c'est Sakadana. Sakadana, na, na, na. Coco va, quand à moi ça c'est Sakadana. Sakadana. Coco va, quand à moi ça c'est. Quand à moi ça c'est. Quand à moi ça c'est. Coco va, quand à moi ça c'est. Quand à moi ça c'est. C'était la pièce Ewadana par 8-Bit System. C'était précédé par Zimmergy, la pièce Caravan. Deux pièces qui sont sur l'album Past Perfect, sur l'étiquette russe 56 Stuff. On poursuit avec un autre artiste qui est sur la même étiquette. Il s'agit de Stuck. Stuck s'écrit S-H-T-U-K-K. C'est la pièce Jupe Piedo. Je vous rappelle que l'émission est disponible en balado-diffusion, donc si vous avez manqué l'émission et vous désirez tout simplement la réécouter, ben, c'est possible, vous vous rendez sur le blog de l'émission qui est au www.webmusique.org. Pour tout de suite, Stuck avec sa pièce Jupe Piedo. C'était la pièce Joe Piedo par l'artiste Stock, une pièce qui a été composée en attendant le train. Donc, vous pouvez voir un peu la ressemblance, vous pouvez voir un peu l'inspiration. C'était un artiste qui est sur l'étiquette 56 Stuff, une étiquette russe, je vous le rappelle. On poursuit cette fois-ci avec une étiquette française qui s'appelle Mixed Mode, une étiquette relativement récente. Ils ont vraiment du matériel très intéressant. Je vous recommande fortement d'aller faire un petit tour sur leur site. Pour l'instant, ils ont 3 albums, puis ils semblent avoir une production assez régulière. Donc, je vous le recommande. Je vous fais passer un peu de, je ne sais pas comment le prononcer, OP9 ou OP9, la pièce 5405. C'est un album vraiment intéressant, assez atmosphérique. C'est vraiment plaisant d'entendre l'album au complet. Il y a des belles ambiances. Donc, on écoute tout de suite OP9. We'll be right back. C'était Open Nine, la pièce 5405, c'est sur l'étiquette française Mixed Mod, une excellente étiquette que je vous recommande chaudement. On se déplace du côté de la Russie. Mon Dieu, je me rends compte que j'ai beaucoup de musique qui nous vient de la Russie aujourd'hui. C'est l'étiquette Electrosound. Je vous en ai déjà fait passer à l'émission. Ils ont toujours des albums intéressants à proposer. Je vais vous faire entendre un artiste qui s'appelle Taiga. Trois pièces de son album Bitter Tragic Joke. C'est sorti cette semaine. Donc, c'est tout frais. Je vous fais entendre trois pièces. La première s'appelle Eali da Sibalissa. Ça va être suivi par Dub Oli, c'est Steady Mix. Puis enfin, la pièce Mostour Baza. Donc, c'est Taiga. Je vous fais entendre tout de suite Eali da Sibalissa. Thank you. CKRL offre des espaces publicitaires à louer au plus bas prix. Nous offrons également des espaces pour des chroniques et des commandites et des missions. CKRL, c'est 70 000 auditeurs pour la région immédiate de Québec. Si vous êtes un commerçant, organisme, organisateur d'événements ou de festivals et désirez vous informer sur nos tarifs publicitaires, composez le 640-2575, poste 203 ou écrivez-nous à pub@ckrl.qc.ca. En présentant le Musée du Quai Branly, Regard sur la diversité culturelle, le Musée de la civilisation vous invite à une rencontre. Une rencontre avec les objets, mais aussi avec ceux qui les font naître ou renaître. Vous découvrirez l'art de la poterie des femmes berbères de Kabylie et le travail minutieux des réparateurs d'objets blessés qui donne un sens de la durée aux objets. Jusqu'au 22 février 2009, une exposition du Musée du Quai Branly, adaptée par le Musée de la civilisation, présentée en exclusivité nord-américaine par le Comité France-Québec. 4 siècles de fraternité avec le soutien de l'Assemblée nationale française, l'Organisation internationale de la francophonie et le Club d'entreprise franco-québécois. Ouvert depuis 1985, le Bal du Lézard, situé au cœur du magnifique quartier de Limoilou, est un classique pour les étudiants. Voici ce que vous y trouverez. Un spectacle tous les jeudis et samedis soirs, de la vodka à une spécialité, offerte en 15 variétés, un 5 à 7 tous les jours, Internet sans fil gratuit, 3 bières pression de la Barberie, petite bouffe, soit pizza ou hot dog européen, du baby-foot gratos les mardis, des expositions. Le Bal du Lézard, 3e avenue à Limoilou, 529-3829 ou lebaldulezard.com. Au Bal du Lézard, vous n'aurez plus le sang-froid. Vous écoutez CKRL 89.1, la radio des découvertes. De retour à Web Musique, c'est toujours Simon Roy qui est en votre compagnie. Avant la pause, on entendait 3 pièces de l'artiste Taïga, 3 pièces sur l'album Bitter Tragic Joke. Tout juste avant la pause, on entendait la pièce Mostour Baza. C'était précédé par Dub Oli, un steady mix. Puis avant ça, c'était Eali da Sibaliza. C'est sur l'étiquette russe Electro Sound. On poursuit l'émission avec un petit bloc, si on veut, expérimental. Je suis tombé sur un album vraiment, mais vraiment original. C'est du hip-hop orchestral, de l'électro-glitch. Je ne sais pas comment décrire ça. Je vais vous le faire entendre, puis vous allez pouvoir vous faire une idée. Un album composé un peu comme si c'était un album de classique. Le groupe s'appelle Caru. C'est vraiment intéressant, je vous le recommande fortement. C'est un album fort complexe, vraiment diversifié, un son vraiment unique. Donc, on entend Caru, 2 pièces sur l'album Symphonia for the Blunt Sword. On entend 2 pièces. La première, March, c'est Movement 2, donc une petite référence au classique. Puis la pièce Yellow, Movement 2 aussi. Donc, Caru. We'll be right back. Dissolve. I saw the Holy Virgin popping out of this rusty toaster. Face bruised by a tech dollar's eye. I saw a young man's idols torn away by the green looks on an idiot poster. And if not, his children die. I saw my statue turn into the one otherwise could. Beyond one's nose is just the rising. Look, look, this is the house of despicable mirrors. Sing in the name of security. 750 billion to have 2 years of war. Brilliance for money and advertisement. Interrupting the muddy waters. All the citizens are sinking in the mire of a messy peace. Nevertheless, I trust the merciful hands of the filthy god of conscience. Let alone the chosen few. Let those paper castles burn. Let the Iron Queen ascend the scaffold. His toothy smile. Wait till America turns yellow. C'était Caru, deux pièces. On vient tout juste d'entendre Yellow. C'était précédé par March, deux pièces qui sont sur l'étiquette Symphonia for the Blunt Sword. Donc, un heureux mélange de hip-hop orchestral, d'électro-glitch et encore un album avec une superbe production. Je vous le recommande fortement. On poursuit avec un artiste qui est sur l'étiquette russe Minomot. Je peux pas vous donner beaucoup de détails parce que la page est en russe. J'ai pas compris grand-chose. J'ai tout juste réussi à télécharger la pièce. Je peux pas vous nommer non plus parce que c'est en russe. Tout ce que je sais, c'est que le groupe s'appelle Mandarin Stellar. Donc, je vous fais jouer ça tout de suite. Vous écoutez l'émission Web Musique sur les ondes de CKRL 89,1. We'll be right back. C'était Mandarin Stellar, un groupe russe. Je suis pas capable de vous prononcer le nom de la pièce, malheureusement, parce que c'est en russe. Donc, c'est ça, c'est un espèce de mix de free jazz avec musique électronique vraiment intéressant. C'est sur l'étiquette Minimo. On poursuit l'émission avec des artistes qui sont sur l'étiquette Random Access Recording, une étiquette que j'ai découvert aujourd'hui, qui donne plutôt dans l'électronique. On va débuter avec Copacetic, la pièce Ritual. C'est sur l'album qui s'intitule THR-33. Puis ensuite, de ça, on va entendre Jack, la pièce Blick. C'est sur l'album Dub Elements, donc un peu de dub électronique. Pour tout de suite, Copacetic, la pièce Ritual.